lure de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. On retrouve Henri Le Naou pour Hind à Brezonek. C'est la leçon Pemkan Dozek. Ouais. 512. 512. Ça va, Henri? Matré. On commence par Gary Warvue? Comme d'habitude. Alors aujourd'hui, je pensais parler de des mots qui sont bâtis sur la racine krug. Krug, hein, qui est donc le mot lui-même féminin désigne la potence ou la pendaison. C'est pas très gay, hein. Non. Donc comme c'est un mot féminin, après l'article, on a krug. Et c'est un mot qu'on trouve, le pluriel c'est krugu, hein. Donc c'est un mot qu'on trouve également en gallois et en cornique, et qui vient du latin populaire. En fait, c'est pas un mot celtique, c'est un mot venu du latin. Et cette racine a donné beaucoup d'expressions et de mots, bien sûr. Par exemple, bueder krug, le gibier de potence. Oh, j'aime bien ça. Ouais. Voilà. Alors, le verbe krugan, hein. On dit krugo, hein, ici, dans le Kreisbreis. Donc, pendre, krugan, pendre ou étrangler. Voilà. Et dont le participe passé est kruget. On entend souvent, d'ailleurs, plutôt le participe passé que l'infinitif. Dans des expressions, par exemple, on disait souvent, hein, c'est peut-être moins utilisé maintenant, krugenvin m'avait que guir, hein, que je sois pendu, si ce n'est pas vrai, quoi, hein, pour insister, quoi. Alors, il existe, on réfléchit, bien sûr, un nom de Grougan, c'est un M Grougan, se pendre ou s'étrangler, quoi. Nous, ici, on dit nom de Grougan, hein. Bon, on disait, j'ai déjà entendu quand j'étais gamin, on disait ça, hein, nom de Grougan, je me demandais ce que c'était, hein. Bien sûr, on n'expliquait pas trop aux enfants ce que ça signifiait. Alors des expressions, hein, ou des mots, krugaden, c'est la pendaison, hein, donc c'est un mot féminin, donc alors, krugaden, hein. Krugap, pendable. Ah, j'aime bien. Krugap, pendable. Hein. Kruger, c'est le bourreau, hein, celui qui exécute, hein, la haute justice, parce qu'autrefois il y avait le droit de moyenne et basse justice, hein. Haute moyenne et basse justice. La haute justice était le droit de pendre, hein, les seigneurs qui avaient le droit de pendre les condamnés. Voilà. Donc dans un endroit qu'on appelait Krugler, hein, qui est le gibet, en fait. Voilà, la potence, le gibet. Alors il y a beaucoup d'histoires qui courent à partir de là, hein, sur les potences qui ont été démontées. Par exemple, on dit que au Guillaudet, le chemin de croix extérieur a été réalisé, les poteaux, à partir d'une potence. Alors il y a eu beaucoup d'histoires sur les potences. Bien sûr, ça frappait les gens, hein, puisque les pendus restaient un certain temps en démonstration pour impressionner le peuple, hein. Pour donner, pour montrer ce qu'il fallait pas faire et ce qui risquait d'arriver aux gens. François Villon qui a écrit La Balade des pendus vers 1460, par là, qui est resté célèbre. Voilà. Alors, à partir du verbe krug, il existe des contraires. Dit krug, donc qui est dépendre, hein, enlever, quoi, hein, quelqu'un ou un objet, hein, pendu. Dit krug, c'est décroché, hein. Diskrug Randouille, par exemple, hein, c'était un surnom qu'on donnait aux personnes un peu dégingandées, un peu grandes comme ça. C'était les jaloux qui disaient ça. Oui, Diskrug. C'était les petits qui traitaient les grands comme ça. Voilà. Krugler, on l'a déjà dit, hein, la potence, le gibet. Donc les expressions comme ça. Une expression aussi que j'ai entendue autrefois quand j'étais jeune, c'est pas autrefois quand même, c'est tout récent en fait. Oberentra et Velohi au Wunderkrug, faire quelque chose comme un chien qu'on va pendre. Ça veut dire quoi, ça, Henri? Ça veut dire aller à reculons. Ah oui. Comme un chien qu'on va pendre, voilà. Une expression aussi que j'ai entendue souvent, l'Erien Bras avec Ruget. L'Erien vient avec Ruget, l'Erien Bras de 24. Les petits voleurs sont pendus, les grands ne le sont pas. Il y a des vices de procédure pour les grandes affaires, pas pour les petites. Alors, dans la guerre du papier timbré aussi, Petra Zoné Veabreis, Krugad en Alahad Galeis. Qu'est-ce qu'il y a de neuf en Bretagne? Des pendaisons et des massacres en grand nombre. Voilà. Alors, un mot assez répandu, hein, et à la fois utilisé dans le sens propre et souvent dans le sens figuré, pour dire Krug, quelqu'un qui est assailli de partout, enfin, hein, ou qui est dans l'embarras extrême. Alors il y a une autre racine, hein, qui traduit cette idée d'étranglement, c'est tag. Hein, c'est un mot celtique, hein, tag, hein, qu'on trouve aussi en gallois et en cornique. Hein, tag, hein, donc c'est étrangler aussi, et ça peut être étouffé aussi. Hein. Étouffé, un tag, hein, c'est en tout cas être voilà, tagadur, un étranglement, hein. Tagadur, la strangulation, hein, voilà. Alors donc, tagan, hein, comme je le dis, c'est étrangler, c'est étouffer ou s'étouffer aussi. Hein. Et le pluriel, le participe passé, c'est taget, taget, hein, suffoquer, hein, suffoquer, tagadon, hein, je suffoque. Hein. Et alors avec quelques dérivés, comme tager, l'étrangleur, hein, c'est pas très gai tout ça. Et tagus, étouffant, acre, comme de la fumée, par exemple, hein, ou voilà, tagus. Bon, ben on a fait un peu un petit tour sur les différents types de strangulation. On passe à la seconde partie. On passe à la seconde partie. C'est Brezhoneg Tamatam. C'est le moment de Brezhoneg Tamatam. On continue avec Henri de découvrir des mots gaulois, c'est ça, Henri? Oui, c'est ça. Oui, on est dans le gaulois, galian de Grand Breton. Et donc, comme les études sur le gaulois ont progressé beaucoup ces dernières années, et donc on trouve beaucoup de mots qu'on peut expliquer aujourd'hui et qui sont d'origine gauloise et qui se rapproche beaucoup à certains mots bretons. Alors, on a été resté au mot briva, qui voulait dire pont. Alors, bracos, par exemple, hein, ou brocos, hein, qui veut dire un éperon, une partie en saillie, quelque chose de pointu, qui a donné le français broche, hein, et le français bro également, hein, le récipient à bec, verseur. Voilà. Et en breton, on trouve broch, le blaireau. Le nom d'origine du blaireau, qui n'est pas tellement utilisé parce qu'on l'appelle souvent loose, qui est un surnom, en fait, du blaireau. Quoi. Voilà. Brunia, Bronia ou Brunia, donc qui est le saint, alors qui ressemble au breton Brun, hein, oui. Voilà, et qui a donné le français bru, très curieusement, ce mot qui paraît bizarre en français, bru, hein, la bru. Donc la belle-fille, et qui était au départ une poitrine, hein, c'était assez pragmatique. Hein. Oui, celle qui nourrissait les enfants, les héritiers. Les héritiers de la famille, voilà, la bru. Alors, brucos désigne la bruyère, hein, et ça a donné le nom français d'ailleurs, hein, c'est d'abord hein, passé dans le bas latin, brucaria, le latin de tardif, hein. Et dans le français, bruyère. Et en breton, bien sûr, c'est bruc, hein, comme le bleu de brug. Hein. On avait fait une émission sur ce mot il y a quelque temps. Comme Brug Arménis, le cercle de Spézet. Le cercle de Spézet, oui. Alors, sur Brug, il y a plein de choses. Hein, mais je vous renvoie à l'émission spéciale sur Brug. Alors, Bucco. Alors, ça peut être Bucco ou Bucco, parce que la prononciation du U en gaulois, on la connaît pas trop, hein. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui circulent, qui parlent gaulois. Donc, on ne sait pas trop. C'était probablement entre les deux, entre le U et le OU. Donc, Bucco, hein, Bucco, c'est qui a donné le français bouc. Et bien sûr, en breton, c'est bor. Hein. Voilà, bor. Tape d'oreille en mort. Hein. Mort. Bor, hein. Non. prendre le bouc, c'est être vaincu. Hein. Ah oui. Ta power mode, c'est gagner, et prendre le bouc, c'est être vaincu. Voilà. Alors, il y a le mot... Ensuite, un mot qui n'a pas d'équivalent en breton. Bulga, le sac. Hein. Je l'ai cité quand même, parce que ça a donné l'anglais bag. Hein. Mm-hmm. Voilà. Bagpipe, hein, la cornemuse. Voilà. Buxo. Ou buxo, donc là c'est très proche du latin buxus, hein, ça désigne le buis, hein, et en breton c'est buzz, hein, buzz, voilà. Alors, un adjectif, caleto, qui veut dire dur, héroïque, donc le peuple du pays de Caux, le peuple gaulois du pays de Caux s'appelait les caletti, les durs en quelque sorte, et bon, en breton c'est calet, hein. Voilà. Pen calet. Pencale, oui. Alors, cam, c'est un chemin dont qui a donné un diminutif, un camino qu'on trouve dans toutes les langues latines, hein, actuellement. C'est un mot du bas latin, donc qu'on trouve en italien, en espagnol et en breton, camad, hein, qui veut dire un pas, le contenu d'un pas, quoi. Voilà. Le mot cambiar, qui est un verbe, hein, qui veut dire changer, qui a supplanté le latin classique mutare. Hein. En bas latin, on a abandonné le mot mutare, hein, le verbe mutare, qui a donné des mots comme mutation, par exemple, en français, pour cambiar, hein, qui était le mot gaulois, quoi. Et en breton, c'est kem, hein. Kem, hein. Eskem, kem, eskem, kemadur, hein, les fameuses mutations, hein. Kemadur, m'obligadur, hein. Voilà. Cambo, qui a donné en français, alors en breton, c'est cam, hein, ça désigne quelque chose de courbe, hein. C'était souvent des noms de lieux liés à des méandres, par exemple, hein. Et en français, ça a donné Chambon. Hein. Donc, on en trouve un certain nombre de noms de lieux comme ça, Chambon. Kand, c'est un mot dans toutes les langues européennes. Hein. Kand, ça désigne le mot sang, hein, sous des formes assez variables. Caranto, qui désigne un ami, un parent en gaulois, qui a donné le nom de la ville de Carentan, par exemple. Et en Bretagne, en breton, c'est Kerent. Hein. Voilà. Carn, en gaulois, c'est un tas de pierres. Hein. En français, c'est le cairn. Hein. Voilà. Et Carousse, pour terminer, Carousse, qui a donné le français char, du fait que le cas du gaulois, comme le cas du latin d'ailleurs, en vieux français, s'est transformé en che. C'est adouci en che. Donc, a donné le français char et les dérivés, par exemple, charron, charrette, tout ça. Ça vient de carousse. Hein. Et en breton, car, hein, qui désigne aussi un char, une charrette, hein, une voiture, même au har. Hein. Voilà. On en reste là, Henri, pour aujourd'hui ? On va en rester là pour aujourd'hui. On continuera la prochaine fois. Trazone Vervon. Ben, calzedrau e veljus buervej diouzan. Echu e bremen e war you ur bet, ba Rio, hein, war you olympikel, ze oa ba Brazil, a gaz zo begwell o calzedud o haloupa, o sayad, o telemin pouez, o nayal, o gourenerien eus bepsort. Bon, larik e calzedrau dar war ben war you olympikel, pe dur non ke gwalan par douarze, hag nonc gwell didennet ganzi, pelar in mod. Bon, setu, krogom de diantan e velkiz a custum nahen gant eo labour douar hag ur vu e war ar mez. Kei e chu e bremañ mizest, hein, bremañ baitost ur miz gwen golov, zer a debe de nest, mod pe vod, ba brovran ze be debe de bal put nest ur blaman, hag breiz am e benefi ne ke bereval putur zo kolot Kolet zo bet tre dig a pemzeg dre gant deus pez oa war lanne. Bon, l'erhel brovranz zo bet kolet spen tre gant dre gant, hein, gant se zo eo apel gwasor. Hein. Hag bon, blam eus ur war an devo ke ka vet kal ze gwin iz war am ahat. Waler un est, te amz ur homis eo. Un deel oa komiz bazan igouden. Hag ze oa vid kanton koz kalak, pe dur bremañ neus ket kanton kalak betin, met vid kanton kalak. Hag prest it vo bazan Nikolas, evit kanton zan Nikolas, pe kanton koz bzan Nikolas. hag war ma meustachen zo bon zo gwelioel evel vo voir biozon prestig ba mur spen tregon lasso bromen obla a tregon so ve greder voir biozon ba mur a gaz ve gweld kalz a dro war a labour do ar bio war do ar reo de vivant tostor de ze natur hag bepla ve kalz a dut a goud eze vo ba roazan ur salon spas zo sort komis bras ya ve kalz a dut a kalz a londet a ma sen vo kalz a dro me ma sen zo tamo reus de vout gwell vo war lan e oa be reus deja avec blan mesurar half e bout oaz. Par de nan ve chouloir en trao, pe dur un dut ve occup un gant de labour ba parkeir, med o vej de un distro skol, amzur un distro skol, ma ve je de vout pe stourmo, rad krog en trao. Da skouer war dach en lez, labourer yon dou ar produer yon lez, o dipit et bras, gant prise lez, o chom ar pelreiz levit peo en hargou, hag bon, gwell e peus oa bet stourm un dro de stal lactalis ba laval, neus ket gwell bel zo, hag bon zioar vo kalz draou dis de ba lamz ur de zon, ba n deo de zon. Me bremañ na hen pu dur meus lar ad oa echu mizest, prestig vo un distro skol. A jiu az ne ke blam hei kalz warog ur brezon ag ba skolioù, sur war vo un tamm muor vugal e o tiskin brezondek, me chomer a pel yand de zigaz a gwar an dachen ze, a setu vo red beder en stourm e vidriez. Pa de nan deus meus kleve deus obe neuptor d'ouristet bavro. Bavro a gouskoude blich kalz den dut bont de vel de ur vro ame, kal kalz a draouz o de velet, hag ur bro choule, ur vro choule, a kalz a draouz o de ve diskouez et d'un dud, hag ve kinig et d'un dud, vid dizoloin, ten zor yo vro. Lar meus oa deud de nams ur un distro, evid ur vugal e hag ur vistriskol, med erru e oaz un distro evid ur politikourien. A blam vo trouz a reuz, pu dur gant de politikourien evel just, pu dur o red gotaz ar votadag evit diba benini a yei war kad ar veur rou e brohal, hag ur mare chalkoz de spur udam vanj kont le gelar e oaze kad ar dagober. Kad ar dagober oa be ya rou e ya oa be gred egin houarn gant zandala, hag boe va ve ret kat on din beneket vi mont war tro dagober. Gwegel oa estor, peut-il oa ke mab rou ete d'or roui, ma brom ve di bab dre vota degou, med me mestran ve kalze beer oaz ganze. Hag kalze beer a cholori e vo, pa de bla ganze. Ne veso oa be laket de ba zandveltaz karnoet, pe la rin mat, o ne beut zen neve, bont vel zand briag, zand igouden, zand pereg a reel oaz, hag kalz e dud zo bet blam ba traunion ar zen ba karnoet. A bremañ man krok d'or o nermitaj ba mod bro i werzon, mi indien tan zo bet laket en deel, hag don orei gret vo daoula o red vid zevel un ermit an jen eus meus klevet a zez on dra neve ba karnoet hag bon neve so oa ban danou de boulvria gwell un dan splin hag kalz draouz o bet hag vi gwell un dan splin de mer ar de nonz oa nonz a skantiko ba chapel hag ar ve kandet kantiko evro, on a bad en zo plijustre, hag zo kaset warog an en dovulup, Gilbert a Jeff, dovulup ben men enke breuder. Blamant oa ne bemad de dud, o ton de gant an kantiko evro, ka ji oaz ven ki klevet kaz ba nilij evro tin, a zera plijadur den dud. à Derio, ou à Onaba, d'un Baïlis Boulvria, Gandmard de Vassalo, zo, Gandir, Hanav, Mard Bavro, à Gazé, à zo, à Tost, Gandadut, de Techilo, Mard Vassalo, à Dramen, on tombe, zo, Choul, Baïlis, Zandbriak. De Zador, Nahan, ou à Devestage, et vide de Gandirien, Zonderien, à Gandanserien, Blanc, ou à Neptorudut, Bastage, ou vide de Blayowel, mais même sera ou à Bel Plijadion. À Dezul, un ou au Fesdé, quand de Naberdé, quand de Réni ou à Juan de Zone, hein, quand tu de Yulvat, à Zobé Zobéd, au Nebama de Dune, même sera au Tansal, à Plijadur Zobéd. À De Lune, un ou à Té Hunter, Hunter Est, à De Beur et ou à Averne, Or pardon, car Redelard de Diantantou, de Gwelen Danout, zo or pardon, hein, pardon, il trône varian Danout. Hag, la verne, ou à Lid, gant un autre, Marcel Derrien, Belg Marcel Derrien, hag Zikour, ou à Gandje Philippe, hag, ou à l'un chou, Gagnélis, hag un du de Gand et Gand Carlon. De Greisté, ou à prêt de Kand, d'Azonde, ou à Zonerien, à Kandérien, hag zo bet plijadur, hein, tibi ur pret kan dis. Ha de nabden a an oa konkour yo vi de danserien e vel kuiz a kustum, ha de non zo a kwant oaz vel bopet. Hag bon, bedon hir on tam war de gwell un danoun med ka lar eut ve ma trezen vo ke gretin hag ze ve fe bet on dros pont tu zid ur vro, putur Or Gwell dispar et virionné. Ba fine mise en mes au bé de Gwell en danse ficelle, hag zo bé calze dud, hein, calze dud, au pied vide, un arvest, au pied vide, fesdé, vide fesdonce, hag bon, calze dud so bé. On ne badé au rogue, rogue, Gwell ficelle, ou à être nanan, une yassane guégan, aux zones d'or brûde, peau de glarinette, il y a sainte, ou de zo femme, mi, zone aérienne, hein, plus dur, y a brûde, à roi, vel, Félix, à Job, à que roi, yévé, à gande, un drôle, jeune gaule, à que gande, doit, bah, plomb, et, douze, gà, perruque, un lasso, à que, bonne, y a sainte, ou on avait marre, grand, tout de zone aérienne, drôle, jeune gaule, à grand calze, dut, plus dur, obligé dans six cours rayowang de zone ag, de disquiton yo hein ag bon calze de der changement de Yassan Guégan bon un distrosco levait des plats un distro évite tout d'or gevridigé jou zo bavro labour a vi raibu et d'orvro wardach leur sport chou narz ou ses venadur Yez à bep sort, hein. Évidemment, ni, von tam, mameuse mode, hein. Bon, hendan brezon ne bad pas de nan, avec, vacances, mais mameuse tra, et on tam, un distro, évidemment, hein. À vos der à droite, mameuse mode, quand, guerrier ou revue, et brezon le tam à tam, avec pétra zoné vers vro, avec, vos der à berzé, pas de blanc. C'est tu es, chu, rand ganzé, à l'art, en d'art, tiennor végel, Kenavodar Morgan. Kenoiri.